Bonjour et bienvenue à présent à une entrevue que j'effectue en compagnie de Jean qui est au Québec et c'est David au micro qui est présentement au Québec et vous voyez présentement à l'écran mon invité. Alors bonjour Jean. Bonjour David. Ça va bien? Comment ça va? Oh ouais, beau soleil. On a eu une Excellent. petite neige cette nuit. Oui, au moment où ce que vous écoutez l'enregistrement, on est présentement rendu le 23 mars de l'année 2019, pour vous mettre un petit peu en contexte, et c'est toujours l'hiver ici au Québec où nous sommes présentement. Ouais. Donc, Bon. aujourd'hui, je voulais discuter avec toi de ton parcours de vie en relation avec la conscience supramentale. Donc, si tu veux nous présenter ton curriculum vitae en lien avec la conscience, comme on dit, là. Bon, en lien avec la conscience. Mon curriculum a commencé en 1979, plus précisément à l'été 79, à sortir de mes études en électronique industrielle. Et puis, j'avais Vidéotron. Et Richard Blaine était là aussi avec Bernard de Montréal. Et puis, chaque fois que j'arrivais à la maison, j'ouvrais la télévision. Et qui était là? Bernard de Montréal. Je n'avais écouté un 5 à 10 minutes une journée. Hey, ça, c'est un Moses de flyer. Change de poste. Fait que ça s'est produit 3-4 fois. Puis, la dernière fois, ça m'a dit, hey, dans la tête. Écoute-le, après ça, tu changeras de poste. Bon, je l'ai écouté, mais ce qui est arrivé, c'est que, whoop-a-lay, hey, ça a de l'allure, je comprends pas ce qu'il dit, mais ça a de l'allure. Puis là, j'ai commencé à l'écouter, et puis, ça a parti de là. Et lors de Richard Lenn, avec une interview avec le docteur Margot Cardin, je ne sais pas s'il est encore en vie, on parle de 79, 49 ans de ça, puis elle était assez âgée. Et puis, Richard Blaine l'interviewait à la télévision, et puis je décide de prendre un papier, des notes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, je subissais un changement vibratoire aussi. Et je n'étais pas capable de me rappeler de plus de trois chiffres de la fois. Fait qu'ici, par exemple, on a des numéros. Fait que c'est 10 chiffres. Fait que là, par exemple, je voulais avoir son numéro de téléphone. Fait que là, bon, ben, donne son numéro. M'en va chercher un papier, je reviens. Puis là, j'attends qu'il recite son numéro. Fait que là, ben, avec le temps, puis il dit pas un mot. Hey, c'est quoi le numéro à rejoindre pour Margot Cardin? Fait que là, il répète le numéro complet. 450 quelque chose. 450, j'écoute ça, mais je pouvais pas me rappeler de plus. Fait que là, il écoute encore pendant un bout de temps. Hey, c'est quoi son numéro que je crie à la télévision? Et là, Richard Glenn répond. C'est le 450, blablabla, etc. Bon, 450, blablabla. Écoute encore. Hey, c'est quoi son numéro? Fait que là, il répète encore. Fait que là, dans les quatre derniers chiffres, j'ai pris les trois premiers. Fait que là, j'attendais après le dernier chiffre. Encore. Bon. OK, t'as à quelle adresse? Fait que là, il répétait son adresse et tout. C'était quelque chose que, quand j'ai remémorisé tout ça après, là, disons quelques jours après, mais c'était quoi cette histoire-là? C'était une blague. Mais ça s'est passé avec moi. Et puis, il y avait un de mes amis, ben, c'est-à-dire qu'à l'automne 79, Mais sinon, est-ce que tu as fini par avoir le numéro ben, le numéro, l'adresse, tout, du docteur Margot Cardin. Et puis, j'ai pris ses cours pour l'automne. Mais en même temps, à l'automne, Richard Lenn organise une rencontre à l'éphéméride à Belœil. Fait que là, je me suis rendu là. Puis je m'assieds à une des tables. Fait que là, il parle un peu en avant, il vient l'entracte. Fait que là, je me retourne. Fait que là, il y a un bonhomme et sa femme sont assis carrés devant moi et ma femme. Fait que là, je le regarde, puis là, je commence à parler de lui. Sa femme commence à pouffer de rire. C'était Donald Moses. Fait que quand j'ai vu sa femme rire, j'ai dit, je frappe le bullseye. J'ai continué. Ensuite de ça, nous sommes devenus amis. Et plus tard, lui, à travers des connexions aussi, Bernard avait besoin d'un comptable pour de la comptabilité. Puis lui, il n'était pas comptable, mais il connaissait la comptabilité. Fait que là, par exemple, il est rentré en contact avec Bernard, etc. Fait que là, j'arrive chez lui un soir. Je pense que c'était un jeudi soir. Là, il me dit, Jean, je me suis inscrit à un séminaire de Bernard. Ah, bon, ben, blablabla, voilà, c'est ça. Fait que, ah ouais, viens donc, embarque avec nous autres, là. Ma femme est enceinte à ce moment-là. Fait que là, regardez, vas-y. OK, j'ai dit d'accord. Fait que là, Bernard a téléphoné à la secrétaire de Bernard à Montréal et a demandé s'il m'accepterait au séminaire. Parce que Bernard de Montréal choisissait les premiers séminaristes. Oui, ça, c'est au début des années 80, là, j'imagine. C'est en plein ça. Ben, c'est le 23 mars 1980 que j'ai terminé mon séminaire. Mars, janvier, février. Fait que c'était à peu près vers la fin du... c'était dans le mois de mars. Parce que le séminaire a fini le 23. Je pense que le 23, c'était un dimanche. Fait que ça, on a pris le rendez-vous le jeudi soir, avant le séminaire. Fait que... Et on reçoit l'appel de sa secrétaire. À 9h30. Il est accepté. OK. Fait que là, bien correct. Fait que là, j'ai monté là-bas, puis bon, payé mon entrée, puis tout. Parce qu'on passait 3 jours au Alpine Inn. Fait qu'il y avait une question d'enregistrer, louer une chambre, etc. Et payer le séminaire aussi, etc. Bon. Fait que c'est là que j'ai fait le séminaire et puis que j'ai terminé. Mais ça, c'est le début. Oui, mais avant d'aller plus loin, pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir en quoi consiste le séminaire, pouvez-vous en faire la description? Bon, la description du séminaire, ça a été assez simple parce qu'il y avait une personne là-dedans. Aujourd'hui, c'est la belle-mère d'un de mes amis. Mais elle était une sœur défroquée qui a quitté le... Bon. Fait que là, par exemple, elle posait des questions sur Jésus-Christ, la Vierge Marie, et tout ça, le vendredi soir, de 7h aller jusqu'à 9h, ensuite de ça, le lendemain... Attends une minute, c'est parce que ça, c'est intéressant à aborder. C'est parce que là, elle a posé des questions en lien avec la religion, mais est-ce que, dans le fond, elle était la seule à intervenir auprès de Bernard ou les autres personnes pouvaient intervenir aussi? Tout le monde pouvait intervenir, mais c'était la seule qui intervenait. Les autres ne disaient pas un mot. Okay. Fait que là, Bernard lui répondait. Bon, OK. Le samedi après-midi, encore la même chose. Le samedi d'en veillée, encore la même chose. Fait que là, le dimanche, j'ai dit là, ça va faire son affaire. Fait que là, je rentre là, à 9 h, et elle recommence. Après un certain temps, moi, je commençais à compresser. Bon. Fait que là, Bernard a dit, wow, un instant, là. Fait que là, c'est Bernard qui a arrêté ça. Puis là, il a commencé à parler de tout le monde, tous ceux qui étaient là, là, ben, disons, de façon individuelle, etc., etc. Et là, par exemple, ça l'a, disons, fait taire. Fait que là, il a été capable de donner son séminaire en partie. Et puis là, par exemple, il parlait des personnes, de ce qu'ils avaient, disons, des problèmes, des capacités, etc. Et le séminaire a fini dans l'après-midi, vers les 4 h. Ensuite, on est descendu, puis on a pris un souper au Alpine Inn. Et puis, ça a terminé vers les 8 h, 8 h 30, 9 h. OK, mais est-ce que dans le cadre du séminaire, Bernard amenait les gens à parler sur le contact, à canaliser l'esprit? Non, pas en tout, absolument pas. OK. Pas dans ce temps-là. D'ailleurs, c'était le deuxième séminaire que Bernard faisait. OK. Fait que là, lui aussi gagnait un peu d'expérience avec tout ça. Et puis, dans le cadre du séminaire, est-ce que en introduction, le vendredi soir, il présentait une instruction particulière pour mettre les gens en contexte? Non, rien de tout ça, on est entré, bon, bienvenue, blablabla, puis il a commencé à parler directement, et là, elle a commencé à justement poser des questions sur la religion, ben avec son historique, était une sœur. Oui, c'est tout à fait logique à poser question sur la religion compte tenu de ses antécédents. C'est sûr qu'à Oui, ben. l'époque, il y avait sans doute beaucoup de Québécois qui étaient dans la religion, fait que sans doute ça faisait écho aussi peut-être à des questionnements que les gens pouvaient avoir aussi dans la salle. Bon, fait que la question de religion, c'était, pour ainsi dire, celle qui était la plus religieuse du groupe. OK. Parce que nous autres, on l'avait surnommée par après plusieurs personnes, la mère supérieure. Fait qu'on savait c'était qui. Fait que là, OK, ensuite de ça, on est parti. Mais c'est là que, pour ainsi dire, a commencé, entre guillemets, mon initiation. Mais juste avant d'en venir là, puis on va y venir là, je voulais juste Oui. savoir comment que les gens, durant le séminaire, parce que c'est quand même intensif, là, tu sais, être exposé pendant plusieurs heures consécutives à Bernard de Montréal, pouvaient réagir. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de réactions. Le monde était bien calme. Même qu'il y en a un, Jean-Fils, a parlé à Bernard de Montréal. Parce que lui était Guy Croteau. Puis Guy Croteau, si tu vas sur le site Diffusion BDM International, il y a eu une section pendant un bout de temps sur Jean-Fils. Fait que là, par exemple, c'était son surnom, ben, c'est-à-dire son surnom. Mais pour nous autres, c'était Guy Croteau. Bon. Fait que là, par exemple, lui, il y a eu une interaction avec Bernard. Et puis, Bernard, il a répondu, Hey, tu connais Soumal? Bon, apparemment, c'est un dieu de l'autre bord, là, dans l'astral. Tu lui en parleras de moi, il me connaît. Ça a fini d'être là. Fait que, il y avait, parce que Guy Croteau était là. Parce que le groupe de Bernard de Montréal entrait dans son groupe à lui, qui était un groupe d'enseignement ésotérique, etc. Fait que là, par exemple, il était en train de faire des ravages dans son groupe, puis il allait là pour démolir Bernard de Montréal. Hop là. Pourquoi? Parce qu'il faisait du ravage dans son groupe. Mais ça l'a, par après, quelques jours ou quelques mois après, dans les conférences aux séminaristes, qui ont commencé quelques temps après, là, par exemple, Guy Croteau était présent parce qu'il avait probablement parlé à Soumal, ou quelque chose comme ça, ou Soumal, peu importe. Mm-hmm. Et là, par exemple, Bernard disait, a demandé à Tigui Croteau. Ouais, fait que là, Guy Croteau était devenu son favori, pour ainsi dire, parce qu'il faisait du voyage astral conscient régulièrement. Mm-hmm. Même qu'une partie de l'histoire de Guy Croteau, c'est qu'avec un autre médium, il a fait beaucoup de cimetières dans la province de Québec dans les années 60 et 70. Je vais t'interrompre ici, Jean, parce que je veux vraiment plus recadrer par rapport à Bernard, là, ouais, de Montréal, okay, plutôt que Guy Croteau, là. C'est sûr que ça pourrait être l'objet d'un autre enregistrement, là. Mais par rapport à Bernard et le séminaire, je voulais juste m'assurer que, parce que, tu sais, c'était quand même révolutionnaire dans les années 80, une activité comme ça, puis l'exposition à vibrations supramentales. J'étais juste curieux de voir. Il n'y avait pas eu de personnes qui se sont mis à pleurer ou des états émotionnels intenses? Non, pas okay. de ça. Il n'y avait absolument pas de ça. Mais la question, c'était un aspect vibratoire que les gens ont ressenti comme moi. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, lui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, par exemple, j'étais pas capable, je rentrais dans ces conférences, je sortais de la conférence, puis je me rappelais péniblement de la conférence. Mm-hmm. Mais l'aspect vibratoire était là, puis dans une des conférences, parce qu'il y avait une personne de mon séminaire qui était là avec une autre personne, un autre séminariste, c'était... à l'hôtel de la Seigneurie à Joliette. Dans la salle en arrière, il y avait un bar en L. Mm-hmm. Et moi, je me suis assis dans le coin, sur les tabourets. Le gars s'est assis à ma gauche, au fond, plus loin, sur un tabouret. Et une des séminaristes, Jenny, elle s'est assise dans le coin. Fait que là, il commence sa conférence, puis là, il commence à parler de moi, mais sans me nommer. Mm-hmm. Fait que là, par exemple, je me sentais visé un peu, fait que là, je regarde vers la femme, Jenny, et elle me regardait, elle me fait signe, hein, on parle de toi, là. J'ai juste fait un petit oui. Regarde le gars, il me fait signe, hein. C'est toi qui passes au cash, là? Il dit oui. Fait que, bon, j'ai baissé la tête, puis laissez passer. Fait que là, quand il a eu fini de parler de moi, il commence à parler, mais de Jenny. Fait que là, on s'est reviré, on l'a regardé. Là, c'était elle qui a baissé la tête. Fait que là, c'est à ton tour, là. Puis l'autre aussi, il l'avait remarqué, c'est, on ne savait pas qui. Après qu'il a eu fini de parler de Jenny, il parle du gars. Mais le gars, la même chose, on l'a regardé, là, c'est lui, à son tour, qui a baissé la tête. Mm-hmm. Quand il a eu fini de parler de nous autres, il dit au pupitre en avant, quand c'est ça, c'est ça. Et Jenny a parti à rire. On la regarde tous les deux. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, on a baissé tous les quatre le pouce en même temps. Hop-a-l'ay. Donc, il y avait une certaine synchronisation vibratoire qu'on ne savait même pas. Ben, lui, il levait son pouce, puis en même temps, vous autres, vous le baissiez? Ben non, c'est qu'on a fait ça en même temps. OK. OK, fait qu'on a montré le pouce, puis c'est ça. OK. En même temps. Bon. C'est là, par exemple, Jenny a parti à rire de voir ça. Fait que là, OK. Fait que là, c'est elle qui nous l'a dit. On l'a appris là. Parce que moi, j'avais le dos tourné à Jenny. Puis je voyais pas l'autre qui était à ma droite. Puis lui aussi, il regardait Bernard. Fait qu'il m'a pas vu, mais elle nous a vus. Puis Hades, quand elle a descendu le fer, c'est ça, a vu que tous les quatre, Bernard, moi-même, le gars et elle-même, le pouce a sorti en même temps. C'est intéressant parce qu'après tout, la pensée vient d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'un des principes qu'a véhiculé Bernard à travers son instruction. Donc, si vous avez capté la même pensée, bien, la synchronisation, au niveau gestuel peut s'opérer. Ça devient logique. Exact. Fait que ça, par exemple, c'était le vibratoire. Parce ça, dans le séminaire, c'est à travers l'activité avec Bernard de 3 jours, vous avez sans doute ressenti cette vibration-là qui vous a traversé intensivement, là. Ben moi, en tout cas, absolument pas. OK, mais j'apprécie ta franchise, Jean, parce que moi, je... Puis il y a des gens aussi peut-être qui vont écouter du Bernard, puis on va un peu idéaliser le séminaire, puis on peut s'imaginer qu'il se passait toutes sortes de choses, mais tu vas nous mettre, comme on dit, les pendules à l'ordre aujourd'hui en nous disant concrètement là, que c'est quoi ton expérience de ça, là? C'est ça, mais ce qu'il y a, c'est que le vibratoire était intérieur. OK. Intérieur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, OK, je me suis aperçu, j'ai rencontré des gens qui avaient suivi le séminaire de Bernard au début des années 80. Et le séminaire de Bernard leur a coulé sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça ne les a absolument pas affectés, puis ils continuent leur vie dans le petit coin. Pareil comme si c'était normal. Mais il y a un groupe, par exemple, de séminaristes. Même aujourd'hui, je rencontre encore des gens, des séminaristes. Et puis, on parle encore de Bernard. Et ça, il est là, le vibratoire, c'est que c'est pas tout le monde qui a été affecté profondément, comme moi-même, comme ceux que je connais qui sont là. Puis il y en a que j'ai vu, que j'ai rencontré dans les années 80-90, les séminaristes, qu'ils avaient été affectés par Bernard, mais pas au même point que nous autres. De moi-même. OK. Là, parce que je parle d'un groupe, là, on est quatre. Fait que là, par exemple, on est très affectés par, justement, les séminaires de Bernard, les conférences de Bernard et tout ça. Fait que... tout est reçu selon la forme du récipient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à sa vibration que d'autres. Oui. Ben, pas juste ça. Oh. C'est que apparemment il y aurait des gens, parce qu'il a dit un peu plus loin dans une de ses conférences, que j'avais un groupe, c'est-à-dire lui, avait un groupe de personnes à rejoindre. Et puis, il avait choisi, parce qu'il dit j'avais plusieurs options, soit l'option de les trouver, de les rencontrer individuellement, ou bien de faire justement ça, là, des séminaires, puis bon. Et eux autres viendraient au séminaire. Fait que c'est ce qui est arrivé, c'est la deuxième option que Bernard a choisi. Et dans les 6 premiers séminaires, il y avait la majorité des gens qu'il devait rejoindre. Donc, c'est par la vibration. Par exemple, je remarque une chose sur... Diffusion BDM International, c'est que c'est encore la même chose. Il y a des gens qui trouvent le site par hasard. C'est drôle le hasard ce qu'il fait. Fait que là, par exemple, il arrive, puis il se trouve à écouter des cassettes de Bernard, ça prenne, et puis là, par exemple, C'est le premier site, ça, que je rencontre, que je vois, qui, justement, continue encore, même de nos jours. Et là, il y a une affluence, surtout de France et d'Afrique. Mais l'affluence va augmenter. Fait que là, par exemple, c'est quoi le vibratoire? Parce qu'à l'heure actuelle, bon, il y a aussi une question de conscience, puis la conscience se développe. Surtout l'aspect du supramental qui s'en vient, parce que c'est pas encore arrivé sur la planète. Bernard disait plus tard, il y en a qui vont monter dans l'éther et qui vont descendre des enseignements. Fait que là, pour expliquer différents aspects de justement l'au-delà. Exactement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire un travail en complémentarité avec celui de Bernard qui a initié le mouvement, là. Mais je voulais en revenir avant qu'on parle d'une perspective d'avenir sur votre vécu des années 80. Donc, c'est ça. Oui. J'en arrive parce qu'après après le séminaire au mois de mars, c'est ça qui a commencé, par exemple, une vie de. En tout cas, de digérer la vibration de Bernard. Parce que je ne dirais pas digérer le séminaire. OK. Parce que bien des années après, dans les années 80, 87, 88, Bernard parlait de l'initiation solaire, etc. Et moi, je me suis aperçu que l'initiation solaire, pour moi, elle avait débuté à ma naissance. Ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 14 ans, 20 ans, 21 ans, 18 ans, 30 ans, tout ça, c'était encore de l'initiation. Parce que dans le groupe de Bernard, au début des années 80, j'avais parlé avec plusieurs des séminaristes et je m'étais aperçu que les séminaristes avaient déjà, disons, fait face à l'invisible. C'est là que je disais, ben, on a le pif, le museau sensible, parce qu'on s'était déjà fait frapper par l'invisible. Okay. Et Bernard expliquait justement le fonctionnement de l'astral. Il les appelait des maudits chiens. Bon, tout ça. Ils sont inhumains, totalement. Et puis, justement, avec ce que eux autres nous frappaient en pleine figure avec, ben, on commençait à avoir le museau très sensible. Fait que c'est ça, on commençait à sniffer la vibration du nouveau. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont vécu le séminaire dans les années 80 était déjà préparé avant de le vivre en s'étant intéressé justement à de l'occulte ou à avoir développé certaines facultés psychiques? Bon, il y en a beaucoup que oui, ils ont été développés à ça. OK. Par l'astral, par les forces de l'invisible, ils ont été préparés à son arrivée. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que nous avons, ben lui, Bernard a expliqué le plan de vie. Nous avons signé un contrat avant de rentrer dans la matière, c'est ce que nous appelons le plan de vie. Nous avons à apprendre telle chose, telle chose, telle chose, puis on va nous amener là pour apprendre ça. C'est notre plan, on ne peut pas en sortir. Puis effectivement, à l'âge de 18 ans, j'aurais pu sortir de ce plan de vie-là, mais eux autres se sont arrangés pour que je n'en sorte pas. Parce que j'aurais été travailler aux États-Unis, j'avais 18 ans. Mais à place, je suis resté ici au Québec. Et comme la voix m'a dit, à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre dans la maison, j'étais seul. Et j'ai entendu une voix dans ma tête, me dire, tu vas devenir millionnaire, mais tu vas rater ta destinée. Mais moi, l'argent, pour ainsi dire, c'est des mathématiques, l'argent. Fait que l'argent, devenir millionnaire, ouais, c'est un gros chiffre avec 7 chiffres de large. Mais whoop-a-lay, rater ma destinée. Wow! Minute papillon. Rater ma destinée, là. Je ne savais pas que j'avais une destinée, premièrement. Et ce que. Parce que je répands aussi que je ne suis pas tout seul comme ça, avec une destinée. Fait que là, par Exactement. exemple, il y Donc, en a d'autres qui sont là. c'est ça. Ben, ça nous amène à parler à des gens qui sont marqués pour vivre le processus de la fusion dans cette incarnation aussi. Effectivement, mais il faut faire attention. Parce que la fusion, Bernard est le seul à avoir fusionné sur la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'avenir, personne ne vivra la fusion comme Bernard l'a vécu. Lui il a fusionné en 69. C'est-à-dire, dans le temps que j'étais dessinateur, bon, il a lancé un skyhook qui l'a accroché. Sur le trottoir, l'a grimpé sur la place Ville-Marie. Et là, lui, du haut de la place Ville-Marie, il regarde ce qui se passe en bas, il voit les fourmis qui travaillent. Et c'est à peu près l'équivalent de ça. Cela a pris 10 ans à Bernard pour combattre tout ce qu'il a vécu, puis arriver à un état d'être confortable. Autrement dit, avec son psyché, la fusteur de pensée, le double, etc. Puis là, par exemple, il a commencé ses séminaires et ça a duré. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de séminaristes. Puis je suis encore en contact avec plusieurs séminaristes qui sont frappés, justement, par cette vibration-là, l'enseignement de Bernard. Donc là, par exemple, c'est l'enseignement de Bernard. Nous reconnaissons tous que c'est un enseignement primordial pour passer, entre guillemets, à l'éther. Parce que cet enseignement-là donne les premiers pas à faire, les premiers pas à ouvrir face à l'invisible. Puis le premier invisible, juste à côté de nous autres, c'est l'astral. Et Bernard, dans les cassettes de psychologie évolutive, qu'il a fait justement pour les séminaristes et les autres, donnait justement la question de nous autres. C'est moi qui dois changer. Bon, fait que là, par exemple, il expliquait des problèmes, par exemple, le doute, la volonté, etc. Fait que là, par exemple, il a fait énormément de cassettes, justement, pour nous donner un outil, justement, pour nous sortir du marasme dans lequel on est. Fait que là, par exemple, il y a aussi que la mémoire humaine est dans un marais à l'heure actuelle épouvantable. Pourquoi? À cause des mémoires du passé, des mémoires de conquête, de guerre, de destruction, qu'il fallait, par exemple, aimer un peu plus. Mais il ne parlait pas tellement de l'amour, parce qu'il dit, le seul à avoir vécu la vibration de l'amour, l'énergie de l'amour, c'était le Nazaréen. Puis lui-même ne le vivait pas. Mais il avait, pour ainsi dire, le contact avec cette vibration-là qui, sur les autres plans, où il allait visiter, fait que là, par exemple, il y avait le contact avec la vibration, l'énergie de l'amour, que lui-même a dit, on n'est pas capable de vivre ça dans la matière. C'est trop fort au point de vue énergie. Mais il y a une personne qui l'a vécu, c'était le Nazaréen. Mm-hmm. Mais sinon, pour en revenir à ton parcours de vie, parce qu'on parlait des années 80, c'est-à-dire que suite au séminaire, est-ce que tu as vécu des événements initiatiques particuliers? Énormément. Bon. Ça, énormément. Des rêves, ça j'en ai vu, des rêves prophétiques, des rêves d'État. Et aussi, ben de la cochonnerie, bon, en rêve. Mais ce que j'appelle un rêve d'État, c'est que cela me montrait où est-ce que j'étais rendu. J'ai eu, par exemple, une affaire comme 4, 5, 6 rêves, mais ils étaient échelonnés sur le temps. Fait que le premier de ces rêves-là, c'est que je nageais dans de l'eau, et puis j'arrive, il y a un mur à peu près ça d'eau qui dépassait l'eau. Mm-hmm. Hop, fait que là, j'arrive au mur, hein, et je regarde de l'autre côté, c'est tout du sable, c'est un désert. Fait que je débarque. Fait que là, je l'ai les deux pieds dans le sable, le mur pouvait avoir à peu près 7 à 8 pieds d'eau. Les deux pieds dans le sable, puis je me regarde les bras, puis oh, j'ai de l'eau qui dégoutte, là, pareil comme elle vient de sortir de la piscine. Mm-hmm. Bon, fait que là, je me retourne de côté. Bon, ce que je dis, c'est que je viens de là, c'est par là que je m'en vais. Il y a eu plusieurs rêves où est-ce que, justement, je m'asséchais. Autrement dit, j'étais après séché. Mm-hmm. Et ça a pris peut-être, quoi, 5-6 mois. J'avais à peu près un rêve par mois. Puis le dernier rêve que j'ai fait, je suis arrivé de l'autre côté du désert. Et là, j'avais un autre mur, à peu près de 7 à 8 pieds de haut. Puis là, tu sais, tu passes dans le désert, tu as soif, tu es asséché complètement. Ouais. Ça, par exemple, j'avais la peau sèche et je pourrais peut-être même rajouter que j'étais asséché jusque dans la moelle des os. Fait que là, j'ai essayé de monter le mur, puis là, j'ai monté sur le mur, puis je me tenais sur le mur, et l'eau était au bout de mes doigts, mais je n'étais pas capable d'en prendre. Puis là, j'étais fatigué, j'étais épuisé. Puis là, tout d'un coup, je sens sur la tête comme une goutte à travers le chakra du coronal, comme une énergie qui me pénètre dans le corps. Puis là, par exemple, cette énergie-là, wow, a rentré dans tout mon corps. Oh, que ça fait du bien. Oh, encore. Fait que là, une deuxième fois, il y a de l'eau qui dégoutte, mais il y avait pour la moitié d'une goutte d'eau qui me pénétrait. Et ça me régénérait au complet intérieurement. Puis là, je me retourne la tête, puis je regarde. Il y avait un petit chérubin avec une louche pour les... une louche à salade là, pour les jus à salade, là, les vinaigrettes. Ouais. Prenait de l'eau, puis il me la versait sur la tête. Et puis à chaque fois, il y avait juste la moitié d'une goutte qui me pénétrait. Et naturellement, après ça, une des conférences pour les séminaristes, fait que je m'en vais là, fait que là, il commence sa conférence, puis il dit, hey, vous voulez prendre l'énergie à la grosse pelletée? Puis on vous le donne au compte-goutte. Vous ne seriez pas capable de prendre ça à pelletée, mais on vous le donne au compte-goutte. J'ai dit, ouais, si on prend une goutte d'énergie, moi j'en ai eu une demi-goutte. Et l'effet que ça avait sur le corps, c'était pas mon corps physique, mais mon corps astral. Mm-hmm. Ça avait tout un effet, effectivement. Tu aurais pris une cuillerée à thé de ce taux-là, là. Je serais probablement mort. Parce que l'effet dans tout le corps était extrêmement puissant. C'est sûr que l'énergie supramentale est très concentrée et beaucoup plus dense que l'énergie astrale. Bon, les gens sont partis sur le supramental, mais pour moi, c'est du mental. Mais un mental qui va agrandir. Okay? On a le mental qui est là aujourd'hui, mais avec ce qui s'en vient, le mental va augmenter en dimension. Cette augmentation-là en dimension, c'est ça le supramental. Mais pour moi, c'est une continuité du mental. Il y en a qui vont probablement se... Hey, non, non, non, non, c'est pas ça, c'est du supramental. Wow, moi. Moi, je prends comme, tu sais, le supramental, par exemple, tu reçois un diplôme quand tu as été à l'école, tu reçois ton diplôme de cinquième année. Puis là, par exemple, tu continues les études, tu reçois ton diplôme de dixième année, onzième, douzième année. Tu t'en vas à l'université, tu reçois ton diplôme d'universitaire. Hey, il a suivi ça comme étude. Ben, le supramental, ben, c'est ça. C'est qu'on va comme graduer à une autre forme d'enseignement, de modification de notre être. Parce que l'art a été énormément transformé. Fait que là, nous autres, on va le subir. Mais on va subir la transformation lentement. Il y en a beaucoup qui sont en chemin pour le supramental, pour ainsi dire, à l'heure actuelle. Ils vont mourir, pareil comme Bernard Raymond. Mais ils vont revenir dans leur prochaine vie et ils vont continuer leur ascension personnelle. Ah, ça, c'est un autre aspect intéressant à aborder parce que est-ce qu'une fois que le contact avec le supramental est établi, la personne peut ensuite, après la fin de la vie physique dans un corps biologique, aller sur le plan morentiel, le plan éthérique, plutôt que de retourner en astral? Bon, d'après l'enseignement de Bernard, lorsque le double contacte la personne, OK, dès que le contact est effectué, cette personne-là va passer à l'éther pendant le temps de sa vie. Mais il y en a qui passeront pas à l'éther parce qu'ils seront proches du double. Mais le contact avec le double n'aura pas été fait. Eux autres vont mourir et revenir pour une prochaine vie. OK, mais pour clarifier, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit un contact avec le double, c'est-à-dire ça lui parle dans la tête, puis il est conscient de ça, puis il est capable de canaliser aussi son énergie rendue à ce stade d'intégration. Est-ce qu'il va se retrouver sur le plan éthérique par la suite? Bon, faut faire attention. Avec contact avec le double et le contact avec une entité quelconque. Parce que il y a des choses qui se passent et que je vois et que je perçois comme une entité du haut astral. Fait que là, par exemple, cette personne-là va mourir et se réincarner, va revenir. Le progrès, l'évolution qu'elle aura faite, elle va le ramener dans sa nouvelle vie, recontinuer son ascension vers le supramental. Parce qu'effectivement, la seule façon pour moi de changer le monde, c'est que moi, je change en conséquence. Je ne peux pas changer les autres. Mais, par exemple, je peux peut-être parler de mon expérience qui peut en éclairer quelques-uns et puis en brouiller quelques autres. Puis là, par exemple, les autres, ben, écoutez rien de tout ça, là. Sinon, ça va vous mêler. Non, exactement. Ben, c'est la raison pour laquelle je dis, entre autres, régulièrement dans mes enregistrements, c'est important de ne pas croire qu'est-ce qui est dit pour ne pas sombrer dans la croyance là, par rapport à tout ça. Comme un de mes amis disait, vérifie ton gyroscope. Il est ici, il est dans le cœur. Ton gyroscope, il va te dire oui. Ah ouais, vas-y par là. Si ton gyroscope ne te parle pas, ben correct. Vas-y pas, c'est ta décision. Mais le gyroscope, si tu as une décision importante à prendre, tu vas le savoir. Fait que là, par exemple, c'est ça, là. Ben, disons, ce matin, là, surtout dans la dernière heure, j'étais un peu nerveux parce que là, j'ai absolument aucune préparation. C'est excellent en Mais, passant parce que ça va être spontané comme ça. ben, c'est ça que je voulais, je t'en ai déjà parlé, on the fly, comme ils disent en anglais. Fait Exactement. que là, par exemple, OK, fait que dans les années 80, j'ai vécu énormément de choses. Un, il y a une cassette sur le doute. Parce que Bernard a dit, le doute, c'est ce qui va faire quelqu'un qui vit le doute. Il sera capable de fendre un cheveu en quatre. La volonté. Ah! Attention à l'entêtement. Fait que là, par exemple, tu vois la volonté puis l'entêtement. Fait qu'il faut faire la distinction entre volonté et entêtement. Fait que là, il y a beaucoup de choses, de subtilités comme ça, là, que sur le côté positif, ça a un mot, et sur le côté négatif, ça a justement un autre mot, comme volonté et entêtement. Exactement, c'est ça, c'est intéressant parce que la volonté par excès, ça devient de l'entêtement. Exact. Même pas nécessairement par excès. Ça peut être par ego, l'orgueil, la vanité, surtout la vanité. Hey, moi, je suis bon. Fait que là, quelqu'un qui va essayer de prouver qu'il est bon ou ben autre qui a fait une erreur, hop là! Hey, lui, il va passer un mauvais quart d'heure. Tu sais? Fait que l'ego puis l'orgueil, ben en fait, les sept péchés capitaux de la religion catholique romaine, ce sont justement les sept plus grands empêchements pour rejoindre l'éther. Fait que j'ai vécu dans les années 80-90 énormément de situations et même beaucoup avant. Par exemple, je travaillais, puis là, par exemple, je voyais comme des fils. Là, je voyais en regardant au plafond cinq fils. Un pour les poignets, ben, c'est-à-dire un pour chaque poignet, un pour chaque pied, puis un qui me prenait à partir du cou, puis montait. Mais là, je regardais le plafond, les fils arrêtaient à peu près à un pied du plafond. C'était quoi ça? Ouais, c'est une bonne question parce que là, tu devais sentir comme une marionnette avec des fils reliés aux membres. En plein ça. Mais j'avais pas rencontré Bernard de Montréal encore quand j'ai vécu ça. Fait que Ben, là, attends une minute, tu disais que c'est les années 80-90, c'est après le séminaire. ouais, mais ça c'était dans les années 70 que j'ai vécu ça, là. Ah, OK. Et, à fond. OK. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de gens, avant même de rencontrer Bernard de Montréal, ils étaient déjà en initiation, sans le savoir. OK. Fait que là, fait que ça, c'était dans les années 60 et, attends un peu, 69, 70, en tous les cas, dans ce coin-là. Fait que là, moi, je regardais les fils, mais je tirais dessus. Et puis, dans les années en 78, j'ai cassé les fils. C'était approximativement en 78-79. les fils. Fait que là, par exemple, j'étais plus une marionnette. Mais, puis là, par exemple, en 77, 78, 79 probablement, j'ai vécu exactement 9 situations dans ma vie. Puis après les avoir vécues, j'ai commencé à regarder ça. Et les 9 situations étaient très similaires, à un point que je pourrais dire identique. Mais les personnes étaient différentes, les lieux étaient différents, puis le sujet de conversation était complètement différent. Et à chacune de ces fois-là, je finissais toujours par sortir de cette situation-là avec les deux pieds dans les plats. J'ai remarqué à la fin de la septième expérience, il y a un pattern qui se produit là. Tu sais, il y a un modus operandi. À la huitième, j'ai revu le modus operandi en entrant dans la situation, mais j'avais les deux pieds dans les plats. Bon, ben, on va aller jusqu'au bout. Mais la neuvième fois, là, je l'ai reconnu en entrant et j'avais pas les deux pieds dans les plats. Et je suis sorti de cette situation-là sans être encore avec les pieds dans les plats. Autrement dit, m'en suis très bien sorti. Et ce genre de situation-là a terminé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une fois que tu as appris une leçon, elle ne se reproduit plus. Mais tant qu'elle va se reproduire, tu n'as pas appris la leçon. Fait que là, par exemple, moi, cette leçon-là s'est reproduite 9 fois. Mais c'est la 9e fois que, pour ainsi dire, j'ai eu mon diplôme. OK, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait de différent dans la 9e fois que les autres, là? La dernière fois, c'est que j'étais conscient que c'était un piège, tout simplement, dans la vie, à vivre des choses. Fait que là, par exemple, la septième fois, c'est tout simplement que je travaillais. Et puis là, par exemple, il y avait deux ingénieurs en avant de moi qui parlaient d'un problème. Et là, par exemple, j'ai pas dit un mot. J'ai dit « Oups, j'ai vu le piège qui s'amenait. » Mais mon patron direct m'arrive en arrière puis il dit une parole. Ce qu'il a dit, ça a été à peu près comme un coup de pied au derrière. J'ai sauté en l'air et bon, me voilà les deux pieds d'un plat. Fait que là, je l'ai reconnu au début, mais j'ai vécu la situation, mais la 9e fois, j'y suis pas entré. Fait que là, par exemple, c'est ça, la question de graduer. C'est une façon d'apprendre. Et malheureusement, c'est le vécu des personnes. Et dans les années 80, 90, même 2000, j'ai vécu beaucoup de choses. Similaire. Donc, j'ai vécu ces choses-là, je suis sorti de ça. Mais sinon, je veux savoir, avant d'aller dans les années 2000, est-ce que dans les années 90, tu avais participé au projet Costa Rica? Non, bizarre ça. Parce que Bernard avait parlé projet Roche Sauvage. Ça m'a pris 6 mois pour le trouver. J'ai averti un de mes amis, embarque pas là-dedans, parce que là, vous allez essayer de dompter un caillou sauvage. Fait que ça, comment est-ce que tu t'y prends pour dompter un caillou qui est sauvage? Ça se dompte pas. Fait que j'avais averti mon cet ami-là, en ce moment-là, de ne pas investir parce que c'était pour tomber Mais pour mettre les choses comme faut en contexte pour les gens qui nous écoutent, Roche Sauvage, ça consiste en quoi? Bon, c'était un projet de Bernard à Montréal qui voulait mettre, justement, faire un groupe, ce qu'il avait nommé Gestion Pi, pour justement commencer à travailler dans l'industrie et amener un peu d'argent à tout le monde. Mais là, par exemple, avec ça, ce projet-là a fait que ce que moi j'ai vu, c'est que les requins du groupe se sont ramassés ensemble et ont voulu prendre la direction de tout ça. Et là, c'est là le gros problème avec Bernard de Montréal, c'est que là, les plans l'auraient vraiment trompé. Puis encore là, je me demande s'ils l'ont vraiment trompé ou bien si ce n'était pas une expérience à être vécue par beaucoup de gens, de ne pas s'embarquer à l'aveuglette comme ça. Bien, le projet, pour que ça soit clair, c'était que les gens investissent de l'argent dans cette entreprise-là? Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont été pris par le mouvement. Fait qu'ils ont suivi le mouvement et il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup d'argent qu'ils avaient économisé. Mais il y en avait une famille qui était pas mal riche, qui ont perdu, ils ont pas mal d'argent, mais pour eux autres, ils en avaient tellement que ça, c'était un petit peu comme bon, ben on va réorganiser le parterre. Fait que là, il engage quelqu'un pour faire ça. Et puis, ça tombe à l'eau. Oh, pas grave. Fait qu'eux autres ont continué. Mm-hmm. Parce qu'il y avait assez d'argent. Il était dans les millions. OK. Mais beaucoup de gens qui n'étaient pas dans les millions, il y en a qui ont quelques-uns qui ont vidé leur compte de banque. Fait que ça, cette expérience-là, c'est une expérience que beaucoup de gens ont encore sur le cœur aujourd'hui. Et puis, essaye pas de les embarquer dans quoi que ce soit, c'est non. Même si c'est avec un initié à la tête. Même si c'est... Surtout si c'est avec un initié à la tête. Ben, c'est là que je voulais en venir, c'est que, dans le fond, le travail de Bernard... qui a voulu faire avec le collectif pour le groupe d'investissement ou de construire des resorts dans le sud, on dirait que c'était pas dû pour le temps que ça puisse être vécu sur le plan collectif, cette conscience-là. Il y avait avec ça, parce que Roche Sauvage a été... Il y a beaucoup de gens qui ont investi du temps et de l'argent. Mm-hmm. De dire que c'est complètement une faillite pour tout le monde. Non. Parce que les gens qui ont participé là ont construit, ils ont travaillé physiquement avec. Ils étaient au courant d'un paquet de choses qui se passaient avec ce projet-là. Et il y a eu là-dedans une expérience de vie que certains vont probablement dire que oui, j'ai été enrichi. Puis d'autres, ils vont regarder juste l'aspect monétaire. Oui, j'ai été appauvri. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Oui, bien, c'est important, en effet, de porter des nuances là-dessus. Mais par rapport au supramental, que ça puisse déboucher sur des projets d'investissement, construire éventuellement des hôtels dans le sud, on dirait que... En tout cas, en ce qui me concerne de ce que je tape là, par rapport à ça, c'est que le timing n'est pas encore rendu là. Exact. Par exemple, le premier timing que moi je m'aperçois, c'est justement l'apparition, il y a quoi, 2 ans là, un peu moins de 2 ans, de BDM International. C'est le premier site Internet qui fonctionne et qui amène beaucoup de gens, parce que j'ai l'impression que ce site-là va continuer à faire augmenter le nombre de membres et promouvoir, parce que le site est pour promouvoir l'enseignement de Bernard en premier. Fait que là, par exemple, je suis là parce que justement, ce site-là fait promouvoir l'enseignement de Bernard d'une façon concrète et d'une façon que je puisse participer un peu parce que avec mon âge, j'ai déjà trois quarts d'un siècle d'accompli. Fait que... Ben, c'est la raison pour laquelle, entre autres, que je voulais réaliser avec toi cette entrevue aujourd'hui pour bénéficier de ton témoignage de première main, parce que Bernard, tu l'as rencontré en personne, tu as assisté à ses conférences, tu as été au séminaire, et peut-être que les archéologues du futur qui regarderont l'époque actuelle seront heureux de bénéficier de ton témoignage. C'est-à-dire que peut-être que dans 200 ou 300 ans, lorsque les gens seront intéressés à connaître les débuts du mouvement de l'émergence de la conscience supramentale à l'échelle du globe et le travail qu'a fait Bernard, seront touchés de pouvoir te voir à l'écran et leur parler de vive voix. Ben ça, par exemple, ça ne sera pas des archéologues, mais plutôt des historiens. Fait que là, ben oui, ça, bien je sûr, sais que avec ceci, c'est un départ pour moi. On verra dans l'avenir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est un départ parce qu'avec le site Diffusion BDM International, j'ai dit, je sors du garde-robe et c'est la première fois que j'affichais ma photo sur Internet. Fait que là, par exemple, c'est fait. Puis là, avec toi, c'est une deuxième étape. Mm-hmm. Pour ainsi dire, c'est de parler publiquement de Bernard à Montréal. Et puis, ça fait... Bon. Ça fait un petit bout de temps qu'on parle parce que j'ai des choses à parler sur ce que j'ai trouvé de Bernard à Montréal. Ce qui devient très intéressant. Mais... OK, le premier livre, c'est la Bible. J'ai lu dans la Bible du chanoine d'Ostie. D'Hostie. La Bible du chanoine d'Ostie, c'est une Bible, c'est une brique d'à peu près 4 pouces et demi d'épaisseur, dont à peu près le quart, ce sont les textes bibliques. Par exemple, dans ces textes-là, justement, je lis un passage. Et Dieu relèvera notre corde. Non, le texte était Dieu relèvera notre front. Mais je descends dans les annotations dans le bas. Oui. Puis là, par exemple, c'était marqué textuellement, Dieu relèvera notre corde. Alors, nous l'avons traduit comme les cornes sont au front, donc Dieu va relever notre front. Mais le chanoine d'Ostie ainsi que son équipe de, je ne sais pas, une trentaine de diplômés, en tout cas, ils avaient accès à des documents originaux du temps du Nazaréen et du temps d'avant. Par conséquent, c'était des personnes, disons, avec plusieurs diplômes en religion, ils avaient accès à ces documents-là. Fait que là, par exemple, ça venait d'un des documents originaux. Fait que là, mais ce qu'il y a, c'est que le chanoine d'Ostie, il n'a pas étudié la religion tibétaine. Et la corne dont il parlait, c'est le chakra du troisième œil. Okay. Mais si quelqu'un regarde des dessins de Tibétains du chakra, la corne est petite au front et elle augmente pour arriver à la fleur de lotus. Bon, fait que là, par exemple, c'est une corne à l'envers. Mais ça, c'est la corne, justement, dont celui qui avait écrit le texte parlait. Fait que là, par exemple, dans ces temps-là, il y en a qui étaient capables de voir l'énergie, le corps astral, un paquet de choses du corps physique oui. et invisible. Fait que là, moi, par exemple, je me suis aperçu que Bernard donnait à des gens, « Hey, telle chose, tiens, ça, c'est une clé pour toi. Ah, toi, telle chose, tiens, c'était une clé pour toi. Ah, toi, voici une clé. Tiens, c'est une clé, ça, pour toi. Bon, qui possède les clés du paradis? » Je ne sais pas. Comment ça? T'as pas été élevé dans la religion judéo-chrétienne? Ouais. Catholique romaine? Ouais, j'ai été élevé là. Saint-Pierre! Ah, c'est bon. Qui? Regarde le symbole du Vatican. Deux clés. Et le pape, c'est le représentant de l'apôtre Pierre sur terre. Donc, Bernard disait, ces clés-là, c'est important. Est-ce que Bernard de Montréal aurait été la réincarnation de Bernard? Ben, de Pierre, tu veux dire? Ah ouais, plutôt de Pierre, excuse-moi. Parce que là... Ouais, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ah. Fait que là, par exemple, est-ce que c'est la réincarnation de l'apôtre Pierre? Bon. Ça a été une des constatations que j'ai faites. Bon, est-ce que ça se pourrait? Fait que là, par exemple, plus loin, Bernard s'est mis à parler de la force oméga dans ses conférences. La force oméga ici, la force oméga là. Wow! L'alpha et l'oméga. Attends un peu. L'apôtre Pierre, justement, dans le dernier livre, l'Apocalypse, Révélation. Ah, mais c'est pas l'Apocalypse de Saint-Jean? Ben, il l'appelle l'Apocalypse de Saint-Jean, mais tu as plusieurs livres. Okay. Ce sont les derniers écrits des apôtres dans l'Apocalypse. Apocalypse, c'est le mot grec qui veut dire révélation. Bon, fait que là, par exemple, c'est un des livres, dans une des épîtres de Pierre, il dit, ben, c'est-à-dire, il a écrit, l'alpha est le premier homme matériel. L'oméga, le premier homme spirituel. Bernard, avec sa fusion, est devenu l'alpha. L'oméga. Ah, pas encore. Il est devenu l'oméga en 2003. Au mois d'octobre 2003, quand il est mort et qu'il a traversé de l'autre côté. Okay. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, oui. J'ai un livre ici. Okay. Ça s'appelle Conclave 11-11-11. Oui. C'est de Rosanna Narducci. Et ça provient des éditions Ariane. À Montréal, publié en 2012. Et je m'en viens lire ici, dans le livre, oui. À propos de... Attends un peu. Avec mon âge, ça me prend des vitrines. Voilà. Bon. Le Seigneur Shiva. Bon, je suis à bord d'un vaisseau, c'est... Justement, Rosanna qui écrit ça. Blablabla. Bla, bla. Bon. Il y a là différents êtres de diverses confédérations. Les Kumavas de Shambhala sont également présents, ainsi que le Seigneur Shiva, Seigneur du Kali Yuga. Celui-ci désire prendre la parole. Seigneur, noble assemblée, soyez la bienvenue. Je suis Shiva, Rudra, le destructeur et le régénérateur, l'alpha et l'oméga, le début et la fin infinie. Hop là! Alpha et oméga? Encore une fois. est-ce qu'il dit vrai ou pas? Bon. Fait que là, bon. Actuellement, la Terre vit dans le Kali Yuga. Cette planète est dans cet âge de fer. Bon, on va laisser faire le restant. OK. Mais l'alpha et l'oméga, écrit là, c'est qui le dit? C'est le Seigneur Shiva. Bon, mais qui est le Seigneur Shiva? Là, j'ai fait des recherches. Oui. Parce que j'ai trouvé en anglais « Who is Lord Shiva? » Et aussi que Shiva a eu 19 incarnations. Fait que là, par exemple, au Pélaï, Minute Papillon, si l'alpha et l'oméga est le destructeur et le régénérateur, parce que le Lord Shiva, le Seigneur Shiva, est le destructeur et le régénérateur dans des écrits brahmaniques. Hop là, ça veut dire que Bernard de Montréal, il y a eu quelques autres incarnations, disons. Advenant que ce soit lui. Ouais. C'est sûr mais que... moi, oui. Quand je parle de Bernard de Montréal, je parle de l'entité Bernard de Montréal. Je parle de l'entité qu'est Bernard de Montréal. Mais si la réincarnation existe, on a plusieurs incarnations. Ouais. Et moi, par exemple, pendant un bon bout de temps, après les années 80-90, je cherchais des incarnations. C'est, fait que là, ici, là, par exemple, j'ai justement, et ça, c'est un livre d'un un de mes amis qui me l'a prêté au mois de novembre. Fait que là, par exemple, je l'ai lu. Et ça, quand ça m'a tombé dessus, hop là, ça, moi, l'alpha et l'oméga, je l'avais déjà trouvé par moi-même. Mais ce livre-ci me dit, me donne un autre lien à Shiva. C'est dans les écrits brahmaniques. Fait que dans la vie de Shiva, il a eu 19 incarnations. Que s'il y en a qui veulent le lire, Who is Shiva? Et même des incantations, des mantras avec la religion hindoue. Tu vas m'excuser, Jean. C'est que pour moi, l'essentiel, c'est plus l'instruction de Bernard que de savoir c'est quoi qui était dans le passé. Parce qu'après tout, on ne peut pas changer le passé. Puis moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de parler de son instruction dans l'optique de vivre cette conscience-là dans la vie de tous les jours. Bon, correct. Donc, ça, justement, quelqu'un m'a justement parlé de ça. Et moi, en ce qui me concerne, quelqu'un va se présenter à toi. Ah, je suis médecin puis neurologue. Mais il est en civil, tu le rencontres sur la rue. Hey, es-tu capable de me prouver que tu es neurologue? Voici mon diplôme d'université. Oups! Oh, tu es neurologue. Donc, il vient de prouver que tu es neurologue. Mais moi, par exemple, c'était de savoir d'où vient Bernard de Montréal. Et ça, je le sais. Mais ce qu'il y a d'important avec cette vie à l'heure actuelle, c'est là où nous allons. Exactement, vers l'avenir. C'est ça. Puis dans un avenir assez proche, que j'estime que d'ici 4 ans, l'ascension sera probablement faite ou sur le bord de se faire. Ben, qu'est-ce que tu entends par ascension, pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent? C'est du passage à l'éther de ceux qui sont prêts à passer à l'éther. Ce sera le jugement de la fin des temps. parce qu'encore avec la fin des temps puis l'Armageddon, attention, c'est pas la même chose, le jugement de la fin des temps. L'Armageddon va se produire dans 2000-2500 ans de maintenant. Il faut lire chronologiquement la Bible. Mm-hmm. Fait que là, c'est le jugement de la fin des temps, auquel il est écrit aussi dans la Bible, que ceux qui vaincront ce jugement-là, le deuxième jugement n'aura aucune influence sur eux autres. C'est-à-dire le jugement, la fin des temps et de la fin du monde, qui est supposé de se produire dans 2500 ans, c'est-à-dire avec la guerre de l'Armageddon. Okay. On va en avoir une guerre. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ce sera une guerre matérielle ou spirituelle ou les deux. Parce que je sais qu'il va en avoir une guerre. Tu as juste à peine de regarder ce qui se passe aux États-Unis, en France, avec la Corée du Nord, la Corée du Sud. On est sur le bord, qu'il y en ait un qui pète de travers, et c'est la guerre. Mais Trump, dans tout ça, ouais, est en train de calmer les esprits, il essaye de ramener de la paix. Ben, je trouve pas nécessairement Donald Trump... Il fait circuler beaucoup de fausses nouvelles. Il y a de la désinformation. Oui, oui, mais ce qu'il y a, c'est que la désinformation ne vient pas de Trump, mais des médias publics. Là, on va laisser tomber ça, parce que ça, on pourra voir à ça, par exemple, au mois de mai. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Oui, oui, on pourrait faire un enregistrement là-dessus. Puis aujourd'hui, je voulais recadrer par rapport à Bernard, c'est son ça. Instruction. Par rapport à Bernard, puis je veux revenir là-dessus. Mais la question de conscience, c'est pas juste Bernard de Montréal. Il faut aussi regarder ce qui se passe autour de nous. Mais Bernard de Montréal, lui, est axé directement avec le passage du matériel à l'éther. Mm-hmm. Puis ça s'en vient assez rapidement. Mais c'est parce que 4 ans, il me semble, c'est un peu rapide. On est en 2019, ça sera en 2023. C'est sûr que, Richard Glenn dit « Rendez-vous février 2023 », mais quand même, je veux dire... c'est qu'en 2023, il y aura 3 ans et demi de destruction et une reconstruction aussi de 3 ans et demi. Fait que là, par exemple, après les 3 ans et demi de guerre, c'est là que se produit justement, le jugement de la fin des temps. En temps matériel, il est mentionné 1 heure. Et ensuite, la reconstruction. Moi, je sais que je vais voir la reconstruction, mais je ne sais pas combien de temps je vais vivre à l'intérieur de cette reconstruction. Et c'est là que je vais mourir. OK, tu as reçu ça comme information de ton esprit? C'est un rêve, ouais. OK, mais... Et là, OK, mais en lien avec ça, parce que là, dans le fond, que ça arriverait dans à peu près 4 ans, c'est que moi, au fil des ans, je suis devenu un peu sceptique parce que il y avait des gens qui disaient que le passage serait en l'an 2000, ensuite il y a eu 2012 avec la fin du calendrier Maya, puis finalement, il n'y a pas eu les 3 jours puis les 3 nuits dans noirceur, il n'y a pas eu d'événement choc. Puis là, il y a Richard Glenn qui parle de 2023. Tu parles de 2023 aussi. Mais pourquoi que cette date-là serait plus réelle que les autres qui ont été annoncées, dont notamment par Nostradamus, le passage à 99, ces choses-là? À vrai dire, moi, je qualifierais ça comme aussi réel que toutes les autres. C'est-à-dire? Autrement dit, on ne se fie pas à ça. Bien, c'est là que j'allais en venir, parce qu'on nous a beaucoup annoncé de dates. Puis dans le concret, ouais, des choses, c'est pas nécessairement arrivé. Après tout, Bernard de Montréal avait annoncé la fin des banques pour 2014 et le système bancaire est toujours là. OK. Le système bancaire est toujours là. Les bitcoins ont commencé en quelle année? Oui, je sais où ce que tu veux en venir, c'est dans ces années-là. Ça, je suis d'accord que c'est une altération du système, mais c'est pas aussi drastique que la manière que ça avait été amené dans l'enregistrement de l'entrevue avec Richard Glenn. Oui, mais le Bitcoin est le début pour le changement, parce que là, il y a un autre changement monétaire qui va se produire aux États-Unis aussi. Et je n'ai jamais eu confiance au Bitcoin. Mais c'est fort possible qu'en 2014, justement, la destruction des banques, parce que là encore, on m'en va revenir dans la Bible, le Nazaréen, dans sa sainte colère des marchands du temple, il a foutu le bordel là-dedans. Mais qui étaient les marchands? Les marchands étaient des échangeurs d'argent. Alors, je te demande, est-ce que sa sainte colère serait que le Nazaréen aurait vu ce que font les banquiers aujourd'hui au monde? Ben, ça peut être très possible qu'il y ait eu la conscience visionnaire de cela. Voilà. Et d'où ça, justement, quand tu as vu les échangeurs d'argent, il a fait voler deux tables, les deux argents, puis tout. Fait que ça, en ce qui me concerne, ce sont des points importants pour aujourd'hui. Mais pour Bernard, ce qu'il y a de plus important, c'est la transition qui vient. Et non pas après la transition, parce que nous autres, on a le temps de changer avant la transition. Fait que, tant qu'on va avoir du temps à changer pour la transition, c'est ça qui est important, puis c'est là que l'enseignement de Bernard doit faire son chemin assez rapidement, parce que c'était sa préoccupation numéro un. Mais de ce que j'ai compris, c'est que cette intégration-là, c'était prévu sur 2500 ans, là, c'est pas en 4 ans. Non, effectivement. Mais est-ce que ça, par exemple, quelques années peuvent donner à quelques personnes la vibration? Parce qu'en fait, Edgar Cayce a dit que la réincarnation peut se produire à l'infini. Pour toi, d'apprendre. Donc, est-ce que lorsque quelqu'un parle de quelque chose vibratoirement et que toi, tu reçois la vibration, ça ne veut pas dire que tu as toute la connaissance, en autant que tu as la vibration. Elle est semée en toi. Moi, je vois plutôt que c'est ça, cette semence-là de vibration. Tu commences un changement vert et c'est commencé. Parce que cette vibration-là, là, laisse-moi te dire qu'il y en a là, dans les séminaristes, là, je pourrais lui dire, hey, bon, ben, oublie tout ça, puis va-t'en chez vous, puis tu enterres tout ça. La seule chose qu'il va être capable de dire, je suis pas capable. Ça fait partie de moi. Donc, c'est un Puis cette changement vibration, irréversible. c'est ça. Fait que cette vibration-là fait partie de moi. Elle fait partie des gens avec qui je parle. C'est irréversible. Donc, est-ce que c'est juste placer une vibration à l'intérieur de la personne? Je ne sais pas. Mais la vibration va le mettre en branle pour se diriger vers un changement personnel. Exactement, ça va favoriser une altération psychique. Et par rapport à Bernard de Montréal, parce que toi, tu l'as quand même connu sur plusieurs décennies, 80, 90, début des années 2000, est-ce que tu as vu des changements significatifs, par exemple, dans son instruction, sa façon d'approcher les gens, etc.? Bon, oui, il y a eu des changements. Par exemple, avant 80, il y avait la section avec Richard Lenn qui a continué encore dans les années 2000, 2001 avec Richard Lenn. Ensuite de ça, il a abandonné Richard Lenn. Puis c'est là qu'il avait commencé au mois de septembre 80. Ses cassettes pour les séminaristes. Et, ben justement, le doute était parmi ses premières cassettes-là. Il en a fait un bon nombre. Je n'ai pas le nombre exact, mais a continué à faire aussi des séminaires, à donner des séminaires à des gens. Et puis, il y a, comme j'estime à plus de 5000 personnes ont passé à ces séminaires. Exactement le nombre de personnes qui ont passé à ces séminaires, je ne l'ai pas. Mais j'estime à plus de 5000, au-delà de 5000 personnes, ont subi un séminaire de Bernard Montréal. Par conséquent, il a probablement semé des graines à l'intérieur de d'autres personnes et que ces graines-là vont continuer parce qu'une de ces graines-là, c'est justement la diffusion de BDM international, INTE, avec Pierre Liopel. Et c'est le premier site web que des gens arrivent. Il n'a pas tombé encore, mais probablement qu'un jour, ça va peut-être tomber, se terminer en quelque part, ou être repris par d'autres. Parce que ce site-là a réussi à rassembler beaucoup de l'enseignement de Bernard. On ne déroge pas aux droits d'auteur parce que toutes les cassettes sont enregistrées en quelque part dans un site et on donne le lien à ce site-là. Alors, si quelqu'un déroge pour les droits d'auteur, c'est le site. Donc, c'est pas le site diffusion BDM international. Oui, oui. Bien, en fait, vu qu'on l'a quand même mentionné à plusieurs reprises dans l'enregistrement, puis j'avais l'intention justement de faire une entrevue avec Pierre Riopel pour parler avec lui de vive voix, je préférais recadrer l'entrevue, Jean, pour poursuivre par rapport à ce que tu as vu de Bernard en conférence, vu que tu es un témoin de première ligne qui l'a connu. Donc, dans ses conférences au fil du temps, est-ce que le public a changé? On m'a rapporté, entre autres, que la quantité de gens avait diminué au fil des ans assistés à ces conférences. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Mais il y a eu une période de culminante dans les années, dans le début des années 80, que je pourrais dire de 81, 82, 83, 84, 85, et qu'ensuite, cela a diminué pour tomber à, disons, un certain nombre de personnes. Parce que moi, ce que j'ai vu au début avec les séminaires, c'est qu'il y avait, avec Richard Lenn, les salles étaient pleines, c'était comble. Quand on dit plein, on m'a déjà dit qu'il y avait jusqu'à 500 personnes. Oui, dans les salles qui pouvaient contenir 500 personnes, et peut-être même un petit peu plus, mais dans les salles où j'ai été, c'était salle comble. Fait que là, ça a créé un vide avec les séminaires. Fait que là, la nature a horreur du vide. Fait que là, eux autres s'en allaient vers Bernard. Le vide créé faisait qu'il y en a beaucoup qui ont suivi puis aller entendre Bernard dans ses séminaires. Et là, les suiveurs, eux autres, c'est là qu'au séminaire, au bout d'un an, c'est fini, ça ne me dit plus rien, bonjour. Que là, par exemple, le nombre qui suivait Bernard a commencé à diminuer. Pourquoi? Parce que là, les séminaires commençaient à être usés. Autrement dit, les personnes qui ont suivi le séminaire retournaient dans leur vie. Et là, par exemple... Donc, il n'allait pas aux conférences. Là. Il ne retournait plus aux conférences. C'est ça. OK. Parce que là, l'enseignement, c'est-à-dire la vibration de l'enseignement, leur coulait sur le dos, comme sur le dos d'un canard. Mm-hmm. Mais... il y en a là-dedans, par exemple, comme Pierre Riopel, justement. Lui, Ça n'a pas coulé sur le dos d'un camarade. Au contraire. On lui a donné l'idée de partir ce site-là. Et puis, je suis arrivé par hasard au site. Je me suis inscrit, c'est-à-dire, j'ai demandé à être accueilli. J'ai été accueilli tout de suite. Et puis là, par exemple, dans le site, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens dans ce site-là qui vont parler vibratoirement. Vibratoirement, ils ont été attirés là. Et puis, je n'ai qu'à lire ce qu'ils vont poster. Ça, c'est vibratoire. Je le sens, le vibratoire. Fait que là, par exemple, eux autres vont continuer là pendant longtemps. Il y en a qui viennent, ils vont poster des choses, mais oups, il faut leur renseigner, il faut les renseigner. Mais ce qu'il y a, c'est que regarde bien avec le temps. Il y en a qui sont là, ah oui, c'est très intéressant, ta, ta, ta. Puis dans 4, 5, 6 mois, tu ne les retrouveras plus. C'est-à-dire, ils n'en feront plus de posting. Non, c'est ça sur Facebook, là, en lien avec le site, là, le groupe de BDM international. Bien, c'est sûr que, comme dans plusieurs phénomènes, il y a des gens qui sont des curieux, puis il y en a qui ont vraiment la vocation de s'engager activement dans une démarche d'intégration, ce qui n'est pas pareil. Là. Mais oui, moi ici, il y a une femme que j'ai rencontrée justement, a fait son séminaire avec Bernard. Et puis, elle a passé à travers, je pense, c'est 7 ou 8 écoles d'enseignement, ésotérique, occultisme, chamanisme, un peu de tout. Et puis, elle était là dans le groupe de Bernard. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a dit que ça a pris justement les formations des 7-8 autres écoles pour arriver là. Avec Bernard. Mm-hmm. Là, par exemple, il y a un suivi de la. Ben, comme j'ai dit, les personnes qui ont été au séminaire ont été frappées sur le museau par les forces de l'invisible, les forces de la noirceur. Fait que là, il y a déjà un antécédent, il y a déjà une formation, un vécu qui fait que. Oups, la vibration de Bernard nous a attirés. Puis, on est encore là. Et aujourd'hui encore, on est encore attiré par Bernard, par sa vibration. Mm-hmm. Mais sinon, pour ce qui est de l'assistance aux salles, parce que ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'au début, il y avait des salles d'à peu près 500 personnes, puis après ça, c'était rendu 20-30 personnes. Ouais. Est-ce que, selon toi, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont retourné à leur vie personnelle, mais est-ce que le fait qu'avec le temps, Bernard, de ce que je comprenais, là, les cassettes de la psychologie évolutionnaire, c'était plus appliqué au concret, tandis qu'avec Richard Glenn, c'était plus des questions ésotériques, occultes qui étaient abordées. Est-ce que, quelque part, les gens, quand venait le temps de justement vivre ça dans le concret, d'appliquer les principes au quotidien, étaient plus réfractaires? Bon, il y a eu Daniel Ménard et puis François Payotte. Mm-hmm. Donc, eux autres ont rempli justement des salles. Ça a duré pendant un bon bout de temps avec Bernard Montréal. Fait qu'ils ont rempli des salles. Certaines salles étaient remplies aux trois quarts, d'autres étaient pleines. Ça a duré jusque vers la fin des années 80. Ensuite de ça, Bernard a organisé, ben je pense que c'était dans les années 80. Ça, il faudrait en parler avec d'autres personnes que je connais pour voir, par exemple, dans les années 90, ce qu'il a fait et l'assistance dans ces années-là. Parce que moi, dans les années 90, je travaillais et je travaillais aussi les fins de semaine. Fait que j'étais plus... Il n'y avait plus moyen d'assister aux conférences de Bernard Montréal pendant un bout de temps. Et puis, ça a été jusque... après 2003, il a arrêté de donner des conférences. Ben oui, parce qu'il était décédé. Ouais, il est mort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en 2003, je pense, la dernière conférence à laquelle j'ai été, ça a été une conférence au mois de septembre. OK? Septembre ou juin. Mai, juin, dans ce coin-là. Fait que là, c'est la dernière conférence de Bernard à laquelle j'ai été. Fait que, par exemple, il donnait ses conférences. On pouvait être une centaine, 100, 110, disons de 50 à 100 et plus, dépendant de la conférence, etc. Fait que là, par exemple, c'est ça. Ça a été sur la fin. Fait que dans la dernière conférence que j'ai été, il y avait peut-être une centaine de personnes. Ah, OK, parce que dans le fond, c'est quand même un nombre intéressant, une centaine de personnes. Mais Oui, mais oui. ouais, c'était pas public, c'était avec des séminaristes seulement. OK, C'était tout conférence des séminaristes. privée. Oui, c'est ça. OK. Par exemple, s'ils en faisaient des publics, encore, je ne sais pas. OK. C'est sûr que ça peut être intéressant, puis j'aurais dû commencer par ça tantôt, de t'amener à expliquer c'est quoi la distinction entre une conférence publique et privée. Bon, la conférence publique, tu n'avais pas besoin d'avoir suivi un séminaire parce que j'ai ma carte de séminariste en bonne et due forme. Comme plusieurs personnes l'ont eu, ils l'ont reçu après leur séminaire, une carte. Fait que là, je ne sais pas pendant combien de temps que ça a duré, ça, la carte de séminariste. Et c'est tout. Fait que là, par exemple, en ce qui concerne les cartes, mais dans les conférences publiques, c'était ouvert à tout le monde, n'importe qui, mais ça prenait quelqu'un pour poser des questions à Bernard, quelqu'un qui organisait, comme par exemple François Payotte, Daniel Ménard. Puis eux autres, je pense que ça a fini dans leurs conférences dans les années fin 80, début 90, je ne suis pas sûr. Oui, puis après ça, ben, Bernard a parlé en solo là, avec la série d'enregistrements sur la psychologie évolutionnaire. Ben ça, la psychologie évolutionnaire a commencé en, je crois que c'est en 2002 Ben non, ou il me semble que 2003. c'est avant ça, parce que de ce que j'avais compris, c'est qu'il faisait une conférence à peu près par mois, puis il y en a 150 à peu près. Attention, c'est parce que tu as eu dans les cassettes aux séminaristes, ils faisaient une cassette par mois. OK. Fait que là, par exemple, 150, ça fait 150 mois, plus 2 mois par année pour les vacances. Fait que là, par exemple, tu vois que ça s'étale sur plusieurs années. Je sais pas quelle année que ça l'a arrêté. Ça, c'est les cassettes pour les séminaristes. En tous les cas. Peu Mais voilà. importe, peut-être que les historiens du futur retraceront mieux que nous autres l'information. Mais l'essentiel, c'était de voir aussi, vu que tu as assisté aux conférences sur quand même plusieurs décennies, est-ce que tu as vu des changements au sein du public qui assistait aux conférences? Ben, il faut admettre que vers la fin, c'était un public, pas qui était choisi, mais que eux autres s'étaient choisis. C'était strictement en dernier des séminaristes. Fait que là, par exemple, on peut dire que c'était un public, que Bernard avait choisi. OK. Donc, est-ce que la vibration au fil des décennies a changé qui régnait dans la salle lors de la conférence? Bernard, c'était surtout dans les débuts, quand il commençait à parler, puis que là, il était allumé au bout, entre guillemets, quand il y avait le feu haut en quelque part, là, par exemple, ça descendait dans les cassettes, parce que les cassettes, il les faisait chez lui. Fait que les premières cassettes, tu entends un clic, clic. Puis là, par exemple, il disait une phrase, puis clic. Puis après un autre clic, il redisait encore. Le clic, c'était pause. Il faisait une pause sur, justement, la cassette pour attendre qu'il vienne. Puis ensuite de ça, il repesait sur record. Puis on continue. On enlevait la pause. Il enlevait la pause. Puis il continuait avec une autre phrase. Mais par après, les clics, avec le temps, ont disparu. Puis dans les dernières cassettes, tu n'as aucun clic. Pourquoi un clic de pause? On enlève la pause, pause encore. Fait qu'il n'y avait pas de pause, ça descendait, il canalisait ça. Fait que là, par exemple, il y a eu ses livres, par exemple, La Genèse du réel, puis d'autres livres qui sont justement sur le site BDM International. Fait que là, par exemple, il composait ça chez lui. OK. Puis, est-ce que tu avais assisté au lancement, entre autres, du livre de la Genèse du réel? Oui, j'étais là. OK. Il y a à 100, je pense que c'était 100 quelques dollars. Je l'ai, la Genèse du réel, tu as un ami. Il dit, j'ai un deuxième livre de la Genèse du réel, serais-tu intéressé? Il dit, oui. Il me l'a amené. Fait que là, par exemple, je l'ai ici, la bibliothèque. Là. Fait que là, j'ai un livre de la Genèse du réel. Et un ami m'a prêté son livre quand il l'a sorti, il l'a lu. Il a pris 2, 3 mois, 4 mois pour le lire. Puis là, par exemple, il me l'a prêté, je l'ai lu, je lui ai remis. Fait que là, par exemple, c'était ça. Disons, mon expérience avec l'expérience de la Genèse. OK. Puis, quand tu as assisté au lancement du livre, est-ce que les gens l'ont beaucoup acheté? Y a-t-il beaucoup de ventes? Oh oui. Ben, c'est-à-dire, je n'ai pas le nombre exact, mais il y avait une salle de 150, 200 personnes. La salle était pleine. OK. Puis, sinon, pour ce qui est du livre qui est sorti, Beyond the Mind, en anglais, est-ce que tu avais assisté au lancement de ce dernier? Non, les autres livres, j'étais loin. Fait que là, par exemple, lui, il passait par des éditeurs, puis là, il se mettait à le vendre. Fait que là, par exemple, Beyond the Mind avait été écrit pour les Américains, les Anglais. Puis, comment tu as trouvé ce livre-là? Ben là, par exemple, c'est un de mes amis. « Hey Jean, le veux-tu? Parce que je me débarrasse d'une bibliothèque. » Fait que, OK, amène-les. Fait que là, je les ai, mais ça m'a été donné. Oui, en fait, j'aurais dû clarifier ma question. C'est dans le sens, est-ce que tu l'as lu, puis tu as trouvé ça particulier, la vibration, quand il parle en anglais? Ben, c'est-à-dire que la vibration de Bernard, c'est la vibration de Bernard. Il y a un couple en France qui traduit ou qui est en train de... Voyons donc. Faire la transcription. Écrire, des transcriptions. Oui. En tout cas. Mais eux autres qui sont en train de traduire sont en train de massacrer la vibration de Bernard. Dans ses écrits. Mais ça ne me surprend pas, parce que Bernard avait déjà dit, il dit, plus tard, on va faire une religion de mon enseignement. Et effectivement, j'ai vu du monde que, entre guillemets, les cassettes de Bernard, c'était sacré, c'était parole de Dieu. Mais moi, par exemple, c'était pas parole de Dieu, c'était parole de quelqu'un qui avait une expérience avec l'invisible, avec l'au-delà, et qui nous ramenait des informations que ce sont des informations primordiales pour nous autres de passer à l'éther. Mm-hmm. Ce que les Américains, tu vois sur Internet, l'ascension. Alors, le phénomène de l'ascension, c'est justement le jugement de la fin des temps qui va se produire sous peu. Mais quand on parle de jugement, c'est qui juge? Les 24 anciens. C'est-à-dire? Là, va lire ta Bible. Ce sont les 24 anciens qui seront assis sur leur trône de l'autre côté. Ils seront à ce moment-là dans l'éther probablement pour être assis sur un trône où ils auront certainement leur corps mort au ciel. Et ce sont eux autres qui vont juger la terre. Le jugement, c'est qu'ils vont dire, toi, dehors, va évoluer ailleurs dans l'univers. Toi, tu es interdit pour 1000 ans. Okay? Les 1000 ans de paix du Nazaréen. Tu es interdit d'incarnation ou de réincarnation pendant 1000 ans. Mm-hmm. Ah, toi, tu... Ouais! Allez, viens-t'en. Tu pourras te réincarner. Ah ouais, là. Puis les autres, c'est ça le tri. Mais encore, de la Bible, il y aura trois grandes catastrophes sur la Terre. Et si je prends que la population de la Terre égale 100%, alors après la première catastrophe, le tiers de la Terre périra. Alors, il va rester combien de monde? Ben, le deux tiers. Deux tiers, combien de pourcents? Là, je suis pas bon en statistique. C'est 66%? C'est ça, t'es bon en mathématiques. Bon, là, je prends mon 66%, puis un deuxième tiers va mourir. Un tiers de 66, c'est combien? 33%. Non. Oh! 66%. Le tiers de 66, c'est quoi? Là, un tiers, c'est 22. Voilà! Bon. 66 moins 22, il reste combien? 44. OK. Bon. Le troisième tiers. Le tiers de 44. Bon, je vais te faciliter la tâche. Je vais grimper à 45. Alors, le tiers de 45, c'est combien? 15. Bon. De 45 moins 15, il va me rester 30 % Il va rester quelque chose comme 30 à 33 % de la population terrestre après les événements catastrophiques. Donc, si on prend à peu près 7 milliards d'êtres humains, ça voudrait ça nous donnerait à peu près combien d'êtres humains par la suite? 2,3 milliards. OK. 7, non, c'est 3. 2 fois 3, 6. Non, divisé par 3, 7, c'est ça. Ça veut dire à peu près 2,3 milliards de personnes. Fait que sur 7 milliards, ça veut dire qu'il y en a à peu près 5 milliards qui ont disparu. Ça commence à faire du monde, hein? Ça, c'est d'ici les 4 prochaines années. Ouais. Là, ça fait beaucoup de monde qui vont mourir là, en peu de temps. Là. Mais là, par exemple, moi, je n'ai pas d'indication parce que pour les années à venir, il y a deux personnes qui doivent apparaître sur la Terre. Un, c'est le Verbe de Dieu et le deuxième, c'est le bras de Dieu sur Terre. Et j'ai pas eu la chance de rencontrer l'un ou l'autre parce que j'ai l'impression que je vais les reconnaître. Fait que là, par exemple, la bête qui doit apparaître, elle doit elle aussi apparaître en même temps que les deux messagers de Dieu sur Terre. Ouais, ben là, ça devient compliqué, là. Ah, ben ça, c'est dans la Bible. Oui, Parce que. mais je te respecte, Jean, mais Oh, ouais. personnellement, j'adhère pas nécessairement à la Bible parce que plus qu'on rajoute d'éléments, plus que ça devient improbable que tous ces éléments-là puissent se réaliser de manière coordonnée. Bon, en ce qui concerne la Bible, ça va se produire. Parce que Bernard avait déjà dit, hey, c'est écrit dans la Bible. Lisez votre Bible. Je ne sais pas, il y en a combien qui l'ont entendu, ça, mais moi, j'ai lu la Bible. OK. Et, fait que là, par exemple, il y en a, ben, les personnes qui avaient la connaissance de ça, que j'avais lu la Bible, sont décédés. Parce que ça fait quand même du millage depuis 80. Fait que. Mais ça me surprend un peu parce que Bernard, il visait à détruire les formes anciennes puis se détacher de la religion. Donc, Ouais, il ouais. Puis qui t'incitait à lire la Bible, je trouve ça Mais ce qu'il y a, particulier. c'est que les formes anciennes sont là. Et il y a eu un vécu là qui se répète ici. Autrement dit, quand est-ce que tu t'es réincarné? Quelle est ta dernière incarnation? Là, par exemple, sur YouTube. Il y en a un, Stravinsky, un docteur, Stravinsky, en tout cas, il y a un docteur qui a étudié la réincarnation aux Indes. Et il a fait son enquête et il a trouvé bien des gens qui connaissaient leur vie en dernière Antérieure, vie, oui. amenaient directement à la famille en question, ben, c'est lui qui est mort, là, c'était moi. Puis là, il pouvait sortir des choses que seuls eux autres savaient. Et ce docteur-là, en psychologie, auriez-vous un portrait de la personne? Ben ouais, en voilà un. Lui a, disons, fait un énoncé qu'effectivement, une personne réincarnée se retrouve avec un visage quasi similaire à son ancienne incarnation. Et moi, j'ai une preuve de ça. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Mon père avait dans son missel, parce que dans le temps, la messe le dimanche était très importante, dans son missel, une photo de son frère René, qui est mort noyé dans le lac Champlain. Et ma photo à 19 ans, tu aurais placé les deux photos une à côté de l'autre. Tu ne pouvais pas dire qui était qui. Mais d'après le rebord, l'âge de la photo, oui. Mais au point de vue physionomie, tu ne pouvais pas. J'étais la réincarnation de son frère. Oui, ben, ça peut être possible. C'est sûr qu'en lien avec ce que tu disais, j'ai vu moi-même des documentaires sur YouTube qui donnaient des preuves circonstancielles par rapport à la réincarnation sur plusieurs cas. Mais je voulais t'amener sur le fait que tu mentionnais que Bernard t'a incité à lire la Bible et que j'étais surpris qu'il donne de l'autorité à cet écrit ancien. Bon. Bernard ne m'a pas invité à lire. Oh. Il a dit dans une conférence, lisez votre Bible. J'ai commencé à lire la Bible et la Bible s'est ouverte devant mes yeux. J'ai travaillé comme agent de sécurité dans une bibliothèque de la ville de Montréal. Le seul livre que je pouvais toucher là, c'était l'Ancien Testament. Tous les autres livres, j'avais envie d'aller aux toilettes pour dégobiller parce que je le prenais dans mes mains, puis là, je le remettais là, puis oups, ça se plaçait. Un seul livre dans toute la bibliothèque que je pouvais lire, sans avoir envie de dégobiller, d'aller vomir dans les toilettes, là. Un seul. Alors, qui m'a forcé à lire la Bible? C'est une bonne question. C'est sûr que tu as peut-être été mis en vibration par ton esprit pour lire ce livre-là plutôt que d'autres. Mais Voilà. c'est de voir aussi par rapport à ça qu'au moment où a été écrit la Bible, la conscience supramentale n'était pas encore descendue. Non, à ce moment-là, il faudrait plutôt parler de conscience animale. Parce qu'avec ce qui se passait avec les Romains, les guerres, le cirque de Rome, oh boy! Ouais! Exactement. Il y avait des scènes très violentes, des scènes de guerre, de massacre qui sont décrites. Mais par rapport à ça, moi, personnellement, je m'intéresse moins à la Bible. C'est sûr, je respecte les gens qui les intéressent, c'est correct. Ouais. Mais c'est de voir que c'est parce que là, si tu fais des parallèles avec l'époque actuelle en lien avec ça. Attention, attention, attention. C'est pas avec cette époque-là que je fais un parallèle. C'est que la Bible oui. me dit quelque chose et je le retrouve maintenant, ici, dans des explications. OK. Quand je t'ai dit que Bernard de Montréal, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de la planète. Où est-ce que j'ai été chercher l'alpha et l'oméga de la planète? Dans la Bible. Parce que j'ai lu la Bible. J'ai reconnu un paquet de choses, parce que la Bible, disons que c'est un récit historique. C'est un livre d'histoire. J'ai lu dans l'histoire, et hop, tiens, ça s'est produit là. Parce que Bernard était l'alpha et l'oméga de la planète Terre. Maintenant, peux-tu concevoir une autre planète qui aura un alpha et un oméga différent de l'alpha? Honnêtement, je pourrais pas me prononcer là-dessus, là. Ben, moi, je suis capable. OK, vas-y. C'est l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga pour la planète Terre. Parce que sur une autre planète, oups, ah, c'est pas moi. Moi, je suis l'oméga de la planète. C'est un tel qui était l'alpha. Parce que lui, il a grimpé dans l'éther avant moi. J'ai suivi son enseignement, puis oh, j'ai grimpé dans l'éther. Lui, il est l'alpha, puis moi, je suis l'oméga. Mais le côté féminin, a-t-il le droit d'aller aussi dans l'éther? Ben oui. Bon. Alors, là, par exemple, c'est que moi, je le dis en riant, on va parler de l'alphette et de l'oméguette. À ne pas confondre avec la moufette. Ouais, surtout pas. Parce que là, mais on va être mis au parfum d'une situation particulière. C'est que l'alpha au féminin, pour moi, ça fait l'alphette, ce qui me fait rire un peu. Puis l'oméga, c'est l'oméguette. Bon. Mais dehors... En dehors de ces considérations un peu techniques, moi, je veux te ramener sur le terrain de ton vécu en lien avec les conférences auxquelles tu assistais, parce que ce qu'on m'a déjà rapporté par rapport aux conférences, c'est que Bernard, quand il parlait, il véhiculait un taux vibratoire, puis les gens se mettaient au diapason avec lui, c'est-à-dire qu'ils ressentaient intérieurement apparemment la même chose. Bon, c'est que c'est pas nécessairement au diapason. Et oui, c'est au diapason, mais c'est plutôt le contraire qui se produisait. C'était Bernard qui suivait le diapason des personnes. OK. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vécu le vendredi ou le samedi, on pouvait se réunir chez quelqu'un et parler, par exemple, toute la veillée avec du café, bon. Et la séance suivante, c'est-à-dire, pas le séminaire suivant, mais la conférence suivante, c'était bizarre. Bernard nous sortait la conférence, ce que nous autres, on avait parlé pendant la semaine. Comment ça se fait que ça retombait sur le plancher? Puis pas juste avec une seule personne, mais avec plusieurs personnes. Parce que la pensée vient d'ailleurs. C'est ça, par conséquent, sa conférence. Beaucoup de gens ont détecté la pensée de la conférence, en ont parlé pendant la semaine, et Bernard arrive, pouf, c'est ça. Alors là, par exemple, qu'est-ce qui a mis qui au diapason? La poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? Ou ça peut être au-delà de ça, puis c'est les plans de la lumière qui ont envoyé les pensées aux individus et à Bernard de la conférence. C'est ça. Fait que là, par exemple, on s'aperçoit que la conférence émanait de quelque part de plus haut que nous autres. Fait qu'elle était déjà prête. Je sais pas, moi, peut-être une semaine avant ou deux semaines. C'est ça qui va dire, ah. Et là, la vibration descendait et plusieurs personnes captaient cette vibration-là et on pouvait en parler comme ça. Parce que moi, il y avait déjà une personne qui m'avait rapporté qu'elle avait assisté à une conférence de Bernard. Puis toutes les questions qu'elle se posait intérieurement, Bernard répondait à voix haute simultanément. Elle me disait qu'elle avait vécu, cette personne-là, cette expérience. Bon. Fait que là, par exemple, c'est que Bernard s'est syntonisé sur cette personne-là. Parce que des choses comme ça qui sont spécifiques. Moi, j'ai un de mes amis, OK, qui lui, par exemple, pendant le temps du verglas, en 98-99, il n'y avait pas d'électricité où est-ce qu'il restait. Sa femme était malade. Elle avait la grippe. Fait que là, on s'habille et on s'en va dans un hôtel. Fait qu'il a été ici, là, à la Seigneurie, dans le temps, dans les îles de Boucherville. Fait que là, il va signer le registre, puis il paye, puis il monte sa femme en haut. Fait que là, par exemple, il est couché, bien comme il faut, OK. Fait que là, il descend, puis il s'en va au bar. Fait que là, il rentre dans le bar. On demande monsieur un tel, téléphone, monsieur un tel, téléphone. Il dit, c'est moi. Fait que le gars, il dit, oui, monsieur, voici le téléphone. Allez au bar, puis demandez au barman. Fait qu'il s'en va là. Hello! C'était Bernard de Montréal qui y avait téléphoné. Lui, il avait décidé peut-être une heure ou deux avant. Bon, ben moi, je m'en vais là. Je m'en vais à l'hôtel parce que au domicile, il n'y avait pas d'électricité. Il arrive là. Bernard le téléphone. Oups! Fait que là, Bernard lui a dit, hey, prends ta femme puis viens-t'en ici, là. Il va t'héberger pour la fin de semaine, ou un certain temps. Je ne sais pas combien de temps qu'il est resté là, en tout cas. Fait que là, il a repris sa femme, il est monté dans le nord à Sainte-Adèle, parce que lui, il savait où il demeurait. Fait que Bernard, ceux qui ont été, entre guillemets, proches de lui, ont vécu énormément de situations dans ce genre-là. Lui, en parlant de moi, il a déjà dit, « Ouais, vous autres, vous l'aimez loin. Moi, je l'aime de loin. » Le monde a parti à rire, parce que c'était pas un mot du cadeau dans ce temps-là, puis je le suis pas encore. Bon. Fait que, tu sais, c'est ça, Bernard. Bernard, quand je te dis l'entité qui était Bernard de Montréal, puis c'est là, par exemple, que je suis capable de concevoir que Bernard de Montréal, parce qu'il m'a déjà dit, il dit, c'est pas drôle, parce que là, je viens d'avoir la mémoire parfaite de toutes mes incarnations. Ça, c'était lors d'une de ses conférences. Fait que là, il dit, c'est pas drôle ce qu'on fait. Fait que là, wow! Tu sais, j'ai pas posé de questions plus que ça, parce que je me mêlais pas de ses affaires, puis lui, il se mêlait pas de mes affaires. Mais, il y a eu des points, là, où est-ce que il y a eu une interaction directe avec moi. Fait que là, par exemple, c'est ça. Fait que, parce que sans ça, parler de chaque intervention, j'en ai peut-être pour 10 ou 15 minutes de jasette. Un, donner la situation, les quelques faits, puis ensuite de ça, la conclusion. Fait que là, on aura peut-être pour 10 minutes, 15 minutes par incidence. Fait que là, par Exact. exemple, Non, je j'ai comprends, mais si on va au plus significatif, y a-t-il un incident particulier d'interaction avec lui qui t'a marqué? moi, non. OK. Non. Mais les autres me parlaient d'incidents avec Bernard qu'eux autres ont vécu. Il y en a un, en tous les cas, il était un petit peu paranoïaque, puis peut-être peur de. Parce qu'il était sans travail, ça faisait un bon bout de temps. Fait qu'il était là, Bernard, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et t'as mangé une de ses claques en pleine face. Il dit, fait que là, il a entendu une voix, c'était la voix de Bernard, qui disait, c'est pas le temps. Fait que ça s'est terminé là. OK. Ben, j'imagine que ça l'a saisi de recevoir une claque comme ça, là, ça y a créé un choc énergétique. Très. Fait que là, par exemple, Bernard avait des capacités paranormales exceptionnelles. Fait que là, par exemple, quand on commence à regarder les capacités paranormales qu'avait Bernard de Montréal, puis que là, par exemple, tu t'assis là, puis hop. Là, par exemple, c'est vraiment au-delà du normal. Là, juste être pas loin de Bernard de Montréal, c'est d'être dans le paranormal. Rappelle-toi de Twilight Zone, une émission de télévision des années 60. Moi, je regardais ça. J'avais quoi? 16 ans, 17 ans, 18 ans. Puis c'était un peu ma vie à ce moment-là. Parce que avec l'astral, j'ai vécu bien des choses avec l'astral avant de connaître Bernard de Montréal. Puis le Twilight Zone, les personnes âgées qui s'en rappellent, c'était pour ainsi dire ma vie. Parce que je vivais un pied dans l'invisible puis un pied dans la réalité. Mais pour en revenir aux anecdotes par rapport à Bernard, est-ce que tu l'as fréquenté sur le plan amical en dehors des conférences? Non. Il y en a beaucoup d'autres, oui. Mais c'était toujours aux conférences. Parce qu'après la conférence, bye-bye, j'ai un bout à faire soit en autobus ou à pied. Fait que là, j'ai pas le temps de traîner. Il y en a plusieurs que je côtoyais, qui eux autres s'en allaient avec lui après. Ah, ben correct, c'était pas de mes oignons. J'ai jamais envié quelqu'un qui était proche de Bernard. OK. Fait que Monsieur. ça a été ma vie. Parfait. Fait que c'est ça, c'est bien correct comme ça aussi. Puis, dans le fond, par rapport aux conférences, je pense qu'on a pas mal fait le tour des différents aspects. C'est sûr que moi, ce que je trouve quand j'écoute les enregistrements, c'est que la façon que parle Bernard dans les premiers enregistrements avec Richard Glenn, c'est plus formel. Tandis que, Oui. avec le temps, le vocabulaire est plus commun et plus familier. Il y a du joual, il y a des jurons qui sont plus présents, je trouve, dans les derniers les enregistrements de la psychologie évolutionnaire. Oui, mais il y a les jurons, là. Oui. Le peuple québécois, c'est un peuple qui est, entre guillemets, sacré beaucoup. Mais faut pas oublier qui a inventé le sacré. Ce n'est pas l'Église catholique ou les Oh. musulmans, l'islam, c'est l'astral. Et l'astral est là depuis très, très longtemps. C'est eux autres qui ont inventé le sacré. Fait que quand tu lâches un juron ou une série de jurons, peux-tu imaginer un peu la grimace de ceux qui ont inventé le sacré? Ben oui, parce que ça reprend de l'énergie pour leur tourner contre eux autres. C'est ça. Et en même temps, nous autres, notre énergie s'en va contre eux autres. Exactement. Ça crée un mouvement énergétique de contestation de l'astral. Et Bernard, ce qu'il disait aussi d'eux autres, ils sont anti-humains. Très anti-humains. Fait que là, par exemple, tu veux être chum avec eux autres? Tu vas y goûter, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Exactement. Et c'est sûr que c'est particulier que la Terre a été administrée pendant plusieurs siècles par des entités astrales. Plusieurs millénaires. Oui. Même plusieurs dizaines de millénaires. Parce que ça tombe dans les millions d'années. Bon. Fait que, tu sais, on essaye de vivre, tu sais, selon l'instruction de Bernard de Montréal, c'est que pour changer le monde, il faut que moi je change. Ben, tranquillement, j'absorbe des choses, comme je lisais dernièrement. Comment on te traite? Ça, c'est leur karma. Comment moi, je les traite? Ça, c'est mon karma. Donc là, tu vas traiter les autres comment? Tu sais? Bien, et comme l'enseignement du Christ le mentionnait, aimez-vous les uns les autres, faites sur aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, là. Ouais, puis ça me rappelle un prêtre. Oui, on va tendre la joue, l'autre joue. Mais après ça, ils vont manger mon poing sur la gueule. Tu sais, on va tendre l'autre joue. Oui, bien correct. Mais il n'a pas dit quoi faire après. Ils vont manger mon poing sur la gueule. Bon. Fait que ça, c'est une autre façon de le voir. La façon d'un enseignant. Quelqu'un qui enseignait la religion tibétaine. Ah, ben, si tu reçois une bonne gifle en pleine figure, t'avais pas d'affaire à avoir la figure là. Une autre façon de voir. Ouais, exact. Tu sais, fait que chaque religion, il y a juste une religion qui n'envoie pas ses adeptes à conquérir le monde. C'est la religion bouddhiste, le brahmanisme. Tu veux apprendre la religion, tu vas aller voir un de leurs bonzes. Un brahman? Ou un brahman. Bon, en tout cas, je ne sais pas exactement, je ne suis pas spécialisé. Oui, ben, c'est ça parce que, ce que je parlais de Shiva, c'est dans la religion brahmanique des Indes. Mm-hmm. Bon, tu vas aller le voir. Il n'y a personne de leur religion qui va venir conquérir ici, là, le continent pantoute. Non, ben, si tu veux apprendre ma religion, bien sûr, viens avec moi. Je vais te l'enseigner. Mais c'est toi qui dois venir avec moi. Comprends-tu? C'est pas croix ou mort, prie Allah ou ben non. Look, tu sais? Non, c'est différent, mais si on l'amène par rapport au supramental, est-ce que c'est le supramental qui vient à l'individu ou l'individu vers le supramental? Je dirais les deux, moi. OK. C'est l'aspect vibratoire, parce qu'on a aussi un aspect d'évolution. Si on regarde au temps de Moïse, puis avant Moïse, ben, il y avait une religion qu'il fallait offrir aux dieux le premier enfant né de la famille. Fait que là, on le sacrifiait sur un autel aux dieux. Bon, intéressant. Mais, avec le temps, on a banni ça. Il y a eu une évolution intérieure, une évolution spirituelle. Puis ça a l'air que depuis les années 1850, on aurait augmenté notre masse cervicale, c'est-à-dire le cerveau, d'à peu près la grosseur de mon poing. OK? La masse cervicale a augmenté avec depuis les années 1800. Fait que là, il y a une évolution physique, il y a une évolution psychologique qui s'est produite, il y a une évolution intellectuelle aussi, par exemple les sciences, les mathématiques, etc. Et puis, il y a une évolution spirituelle. Là, hey, tu fais partie de ma gang, c'est parfait, mais il faut se battre contre les autres gangs, il faut se battre contre les musulmans, il faut se battre contre les anglais, faut se battre, en tout cas, on n'arrête pas de se battre, on tourne après se battre. Bon, là, l'évolution spirituelle, c'est elle qui va nous amener vers l'amour. Bernard de Montréal a dit, il y en a juste une personne qui a vécu l'amour sur Terre, c'est le Nazaréen. Mais nous autres, on va toucher un peu à la vibration de l'amour. Et ça, c'est le plus proche. On ne vivra pas l'amour sur Terre, mais ça sera le plus proche de l'énergie de l'amour qu'on pourra vivre. C'est un peu une vibration ou un reflet de l'amour. Et c'est ça qui va commencer à paraître. Aime ton prochain. Ah ouais, faut aimer tout le monde. Ouais, mais si au moins le sacrement voisin pouvait déménager, au moins, tu sais. Oui, effectivement. Fait que là, par exemple, le voisin d'à côté, c'est lui mon obstacle à devenir, tu sais, avec de l'amour infini. Mais moi, je suis pas un de ces gars-là, là. Ah, hein? Oh, de l'amour, non, non, non, non, non. Non, non, il faut pas être naïf par rapport à l'amour, parce qu'une spiritualisation du principe qui peut se faire. C'est ça. Et c'est sûr que Bernard Montréal visait, entre autres, de ce que je comprenais de son instruction, à déspiritualiser les gens qui bénéficiaient de son instruction, dans le sens de sortir de la tâche du collectif et des formes anciennes. Oui, mais effectivement, c'est ça qu'il fait. C'est ça que son instruction fait, parce que les gens finissent par... comment est-ce que je pourrais dire? Finissent par s'individualiser. Parce que la question d'être un mouton, c'est pas parce que je suivais Bernard Montréal que j'étais un mouton. Non. Pas avec mon esprit d'indépendance. Fait que là, par exemple, j'étais individuel. Et je suivais Bernard parce que il y avait quelque chose en dedans de moi. Il disait, c'est ça. Fait que c'est ça. Exactement. Et sinon, pour ce qui est de l'avenir, de son instruction, des développements futurs en lien avec l'intégration de la conscience supramentale à l'échelle du globe, comment tu vois ça pour les prochaines années? Oh! Bien là, par exemple, c'est comme c'est là à l'heure actuelle, ça va continuer tranquillement, pas vite. Mais j'ai l'impression que ça va finir par accélérer un de ces jours. Mais que je sois là ou pas là, ça ne dérange pas. Non, après tout, c'est individuel. Donc, c'est ça. Exact. Puis, pour conclure l'enregistrement à présent, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Jean? Ouf. Ouais. Oui. Peut-être une deuxième partie dans quelques mois. Ben oui, pourquoi pas. Donc, écoute, ben, je te remercie du temps que tu as accordé pour l'enregistrement. Puis, ouais. Du fait aussi que tu m'as mentionné que, suite à ton décès, tu autorisais à ce que l'enregistrement reste en ligne. Oui. Bon, oh, oui. Ben, c'est-à-dire, c'est pour ma partie de... C'est-à-dire, je m'en vais avoir une copie de ça. Et puis, c'est ça. Fait que là, par exemple, je pourrais entrer ça, par exemple, dans ma biographie ou quelqu'un d'autre le mettra dans ma biographie. Et au lieu de faire comme Bernard, moi, comme Pierre Riopel, courir à gauche et à droite sur un paquet de sites pour trouver l'historique, justement, des conférences de Bernard. Excellent. Donc, merci encore une fois de ton témoignage et je te souhaite une très belle fin de journée. À toi aussi, mon David, et à la prochaine. Parfait, bye bye.